Réfugiés, déplacés, sinistrés, évacués, migrants, demandeurs d'asile, déboutés, sans papiers, clandestins, tolérés, maintenus, retenus, refoulés, expulsés, rapatriés, retournés. Voilà, c'est ça. Donc là, on a à peu près encore ce qui m'intéresse, qui m'étonne et m'intéresse maintenant, c'est que ça se renouvelle sans arrêt. Ça. Et donc je me suis rendu compte, dans les 7 années justement passées à enquêter là-dessus, c'est qu'il y avait sans arrêt un renouvellement de ces catégories. Et au bout du compte, on s'est dit, bon, ben, ces catégories, c'est pour à chaque fois recréer des sous-espaces ou des sous-catégories où on confine les gens, on dit, eux, on les met là, eux, on les met là, on les met là. Donc, c'est vraiment, au sens propre, très précis de Foucault, c'est de la gestion biopolitique des populations avec ce que ce terme signifie comme ensemble démographique, masse et déni de l'individu et des personnes et de leur biographie personnelle, locale, sociale, etc. Voilà, c'est l'intempestive. À une extrémité du monde, on construit des gated communities, villes privées, barricadées, où le droit de résider dépend du statut social. À l'autre extrémité, les camps de réfugiés se multiplient. Les centres de rétention, les squats, les jungles, 50 millions de personnes qui évoluent dans les brèches des États et qui se heurtent à leurs frontières. Ici, ce n'est plus la politique qui ouvre ses ministères, mais l'état d'urgence qui installe son administration, dit Paul Virilio dans l'Université du désastre. Première partie aujourd'hui dans l'intempestive d'un entretien avec Michel Agier, anthropologue, à propos de ce qu'il a nommé le gouvernement humanitaire. Donc on est avec Michel Agier, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche sur le développement. Également, vous êtes enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales. Mm-hmm. J'oublie des choses ? Non, non, c'est ça. Et puis depuis quelques temps, et pour encore peut-être un an ou deux, je dirige le Centre d'études africaines. D'accord. À l'EHESS, à l'École des hautes études. Et si, chose importante dans l'entretien qu'on va avoir, vous êtes également membre du conseil d'administration de Médecins Sans Frontières. Peut-être que vous pourrez expliquer comment vous êtes arrivé. Oui, alors d'autant plus que c'est très lié pour moi, non pas à une action de volontaire de MSF, comme le sont souvent les itinéraires des gens qui finalement, au bout d'un certain temps, sont au conseil d'administration. Moi, c'est très lié à mon itinéraire de recherche et aux questions très, très pratiques et en même temps très théoriques, si on peut dire, quoi, liées à comment faire des recherches dans des camps de réfugiés. Étant ethnologue, anthropologue et donc ayant besoin de fonder cette réflexion anthropologique sur du terrain ethnographique, comme on dit, c'est l'anthropologie, c'est ce qui se fonde sur l'ethnographie, c'est-à-dire sur le terrain qu'on fait soi-même, qu'on ne délègue pas à des enquêteurs. C'est donc la particularité du travail et de la réflexion des anthropologues, c'est d'avoir eux-mêmes, d'une certaine façon, incorporé toutes les connaissances à partir desquelles ils fondent leur... leur interprétation, leurs analyses. Donc il faut faire soi-même l'expérience de cette découverte, de cette connaissance, et donc concrètement ça veut dire trouver un moyen d'avoir accès au camp de réfugiés quand il y a eu un moment précisément en rentrant de Colombie, c'est-à-dire fin 99, début 2000, où je me suis dit qu'il fallait que je comprenne ce qui se passe dans les espaces dits humanitaires ou les espaces de confinement où étaient des réfugiés ou des déplacés. À partir de ce moment-là, donc, je me suis posé la question de comment accéder au camp. Et après une tentative qui a duré une année et qui pour moi était assez instructive d'essayer d'approcher un contact et une permission du HCR, j'ai renoncé. Le Haut Commissariat aux réfugiés, donc. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ça s'est soldé par un échec, c'est-à-dire j'ai laissé tomber, quoi. J'ai essayé à un moment donné de me mettre dans la position qui déjà était assez difficile sur le plan éthique, de répondre à une commande que j'aurais éventuellement moi-même suggérée. Et donc à un moment donné dans la discussion, il aurait été possible que je sois autorisé par le HCR à faire des enquêtes dans les camps qui auraient porté sur le thème de l'économie informelle dans les camps de réfugiés. Et donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le HCR est intéressé par ce genre de choses? Et donc à ce moment-là, j'ai cherché d'autres pistes, et ces autres pistes, en fait, elles étaient tout près de moi, puisque c'était des collègues déjà du Centre d'études africaines, enfin un collègue du Centre d'études africaines, qui était à MSF depuis très longtemps, mais qui lui séparait beaucoup les deux choses, enfin bon, et donc j'ai appris ça par un autre collègue qui m'a dit, et finalement, c'est comme ça que j'ai eu accès à MSF. Et là, tout a changé, quoi, on va dire, puisque il y a eu deux choses. Il y a une chose très très sympathique et qui correspond à l'image qu'on a de MSF, qui est une grande ONG qui a eu le prix Nobel de la paix en 99 et qui est très engagée, très réflexive, etc. Et où on m'a dit, mais bien sûr, ça nous intéresse, tu fais ce que tu veux, de toute façon, toute étude critique sur tous ces espaces-là nous intéresse. Puis la deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup marqué, c'est une fois que j'ai dit à la personne qui était mon contact à MSF, ben on est d'accord, et alors où est-ce que je pourrais commencer? Et alors il y avait une carte du monde sur le mur, et puis il dit, choisis. Choisis ton camp, dans quelques heures, choisis où tu veux. Là, c'est un peu, je le garde un peu, parce que c'est aussi l'image du pouvoir... du très grand pouvoir des ONG internationales, à l'image de MSF, pas seulement de MSF, mais à l'image de MSF. Et puis comme c'est une association et qu'il y a effectivement aussi, pour revenir à la question de départ, c'est un lieu de débat critique qui est très important et où les uns et les autres sont toujours intéressés par la présence de conseillers plutôt que d'administrateurs. Dans mon cas, quand on est conseil d'administration, on est plutôt conseil, plutôt administration, moi c'est plutôt ce qu'on appellerait du conseil. Enfin bon. Mais en l'occurrence, c'est un mandat électif. Donc j'ai été élu par une assemblée générale de l'association. Et ce mandat électif, pour moi, est pas du tout celui d'un expert ou d'un savant qui vient dire la loi des choses. J'ai été engagé pendant 5 ans là, sur des débats internes dans MSF assez importants. Il y a eu une crise importante à MSF là, il y a 2 ans. J'y ai participé avec d'autres et pleinement. Donc plutôt soucieux de faire quelque chose avec mon mandat d'élu que de dire des vérités, etc. Et donc, vous avez passé 7 ans dans les camps de réfugiés, essentiellement en Afrique, mm-hmm. entre 2000 et 2007, et vous en avez fait 2 bouquins. C'est à partir de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc le premier, il est paru en 2002 chez Flammarion, c'est « Au bord du monde, les réfugiés ». Et le second, il est paru il n'y a pas très longtemps, en 2008, hein, toujours chez Flammarion, et c'est « Gérer les indésirables des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire ». Voilà, alors pour justement vous insistez beaucoup dans l'un et l'autre livre sur votre démarche spécifique d'anthropologue dans les camps de réfugiés. Est-ce que vous pourriez expliciter? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le défi de l'anthropologie de se mettre sur des terrains qui ne sont pas du tout habituels et qui ne sont pas habituels parce qu'on est toujours dans une expérience nouvelle. Chaque anthropologue qui fait son ethnologie, c'est-à-dire ce qui est un peu ce par quoi on apprend son métier et ce qui en est la base, c'est-à-dire la découverte d'un terrain, du temps passé, du temps long passé sur du terrain, etc. Donc ça, c'est toujours une expérience nouvelle que fait chaque ethnologue, chaque anthropologue. Là, le cas particulier, c'est qu'on est aujourd'hui sur des terrains radicalement nouveaux par rapport à ce qui a fondé pendant assez longtemps le savoir anthropologique, qui était en gros l'enquête monographique. C'est-à-dire on arrive dans un lieu, en général voilà, un village, on a converti ça avec l'urbanisation, par éventuellement les études d'un quartier, voilà, et tout ça est assez délimité. Il y a en principe une tradition locale qui est... qu'on va chercher, et on cherche les traditions qui se perdent et éventuellement les changements, les éléments nouveaux qui viennent. Mais on n'est jamais confronté, on peut être confronté aux changements qu'on voit en général hein, à partir d'un ancrage sur un point de vue donc monographique avec de la profondeur, de la tradition, etc. Voilà. Bon, là, je caricature un peu, beaucoup d'anthropologues maintenant ne se reconnaissent plus hein, dans cette approche-là, mais on peut dire que c'est en gros quand même l'héritage qu'on a. Et puis là, ce qui est nouveau, difficile et intéressant, c'est de se trouver dans des espaces qui n'ont pas aucune profondeur historique. Alors là, c'est vraiment les espaces de l'urgence. Il n'y a aucune profondeur historique. C'est créé par la communauté internationale, qui est une espèce de truc, comme dirait De Gaulle, un gros machin, enfin, un machin qui crée des espaces hors sol, un peu, d'une certaine façon, et puis, sans tenir compte de l'environnement, éventuellement, s'il y a des environnements villageois ou urbains, ou bien dans des espaces qui n'ont pas d'environnement du tout, et donc là, on est dans la merveilleuse table rase dont rêvent souvent les grands gestionnaires, en disant, je mets mon éléphant blanc, là, dans le milieu du désert, il n'y a rien, et c'est très bien comme ça. Et puis des gens qui sont agglomérés là, qui sont traités sous la modalité, on en reparlera, dite biopolitique, c'est-à-dire comme des grands nombres, des catégories, des masses, sans non plus que la profondeur historique, le système de relations sociales existant soit pris en compte. Donc c'est cette espèce d'hybride, voilà, que dès le début, j'étais dans cette perspective-là en disant c'est des hybrides, au bout d'un moment, pour certains, ça m'a paru être des espaces qui se transformaient tellement qu'on pouvait parler de camp-ville. Hein, et donc, mais toujours des formes hybrides, c'est-à-dire créées dans l'urgence, sans profondeur historique, mais auxquelles des gens finissaient par s'identifier, donc ils lui donnaient un peu de sens, créées par différents éléments de la communauté internationale, que ça soit plutôt lié au militaire ou plutôt lié à l'humanitaire, mais avec des gens qui venaient de différentes régions, de différents groupes, de différentes générations qui se retrouvaient ensemble à ce moment-là, et en plus ensemble, souvent avec des jeunes gens en général, des jeunes femmes, des organisations humanitaires qui venaient là, certains qu'on avait absolument besoin d'eux ou besoin d'elles, et qui, ou elles, étaient en train de sauver la planète, quoi. Et donc tout ça fait un espèce de mélange bizarre. Ce qui m'a convaincu qu'il fallait faire quelque chose, c'est que ce sont des espaces qui se développent. C'est des millions et des millions d'habitants de la planète, et les camps représentent des centaines. J'ai fait une évaluation que j'ai donnée là. On est, sans compter les espaces européens, simplement entre Afrique, Asie, Proche-Orient, etc., on est autour d'un millier de camps et d'environ 12 millions de personnes. Donc ça fait quand même du monde. Et c'est une forme à la fois d'hybridation, de transformation sociale, de changement culturel qui intéresse, qui devrait intéresser, et donc qui, à mon sens, intéresse réellement l'anthropologie, quoi. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'Intempestive. C'était Lumière noire moins l'infini, un premier extrait de La création du monde de Bernard Parmigiani, qui nous accompagnera tout au long de cet entretien avec Michel Agier, anthropologue. Vous parlez de justement questionner notre savoir sur ce qui est humain aujourd'hui en donnant cette image de millions de personnes qui se retrouvent sans état ou bien entre deux états. Là, on sait qu'il y a un tiers-monde, on sait qu'il y a un premier monde qui est riche. En revanche, là, la situation est nouvelle par rapport au nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation entre deux états ou entre aucun, puisque quand on est rayé de la carte d'un état, on est rayé de la carte de tous les états, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez décrire plus précisément qui sont ces personnes ? Puisqu'il y a, comme vous le dites dans ces deux bouquins, une multitude de statuts et qui se développent au fur et à mesure que la machine humanitaire, que la machine internationale essaye de contenir, de comprendre, de maîtriser cette nouvelle situation. Ben, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire, lorsqu'on se demande au début à quel groupe on a affaire, on n'arrive pas très bien à le comprendre. C'est-à-dire que les gens ont plein de catégories différentes, plein de statuts différents. Voulant enquêter sur les réfugiés, je me suis aperçu que sur le terrain, plein d'enquêtes étaient menées. Ce n'était pas du tout des enquêtes d'anthropologues, c'était des enquêtes médicales, c'était des enquêtes administratives, policières, etc. Les gens étaient contrôlés. Et donc, ce qui domine tout cet espace-là, qui est un espace, je pense qu'on peut le considérer, sans être dans du métaphorique, on peut le considérer comme un espace qui est entre ces mondes. C'est un espace où on fait du tri en permanence. Hein. C'est le screening, comme on dit. Donc, il y a le screening médical, il y a le screening biographique, d'une façon. Les gens doivent raconter des histoires, ou plus exactement, on doit essayer de se mettre en conformité avec ce qu'on attend d'eux, qui racontent comme une histoire pour avoir droit à quelque chose. Ou bien, où il y a des... Voilà, et puis il y a aussi tous les screenings qui sont plus techniques, électroniques, etc., avec les contrôles au passage des frontières, et où les gens peuvent passer à un endroit, mais ils ne peuvent pas passer à un autre, enfin, etc., etc. Donc il y a des formes de tri qui sont liées à des formes de canalisation, confinement. Il y a des gens qui sont mis dans un secteur et pas dans l'autre, etc. Et ça, on en a une image, d'une certaine façon, déjà, dans les camps, puisque lorsque les gens arrivent dans le camp, ils n'arrivent pas immédiatement dans le camp, ils sont d'abord dans une zone de transit du camp. Donc, et dans la zone de transit, ils ont ces screenings-là. Mais ça peut être médicaux, mais aussi le nombre de personnes liées entre elles. Est-ce que ça compose une famille ou est-ce que ce n'est pas une famille? Est-ce qu'il y a des fratries? Et tout d'un coup, il y a des fratries qui se font au dernier moment pour que des gens aient l'air de ressembler à une famille. Enfin, bon, donc on est sans arrêt dans du contrôle qui produit ce genre de choses, d'ailleurs, qui produit ce genre de mensonges, entre guillemets, qui est nécessaire finalement au fonctionnement de la machine, quoi. Et à ce moment-là, les gens eux-mêmes ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils sont comme catégorie et à quoi ils ont droit. Ils savent qu'ils ont quitté un lieu pour tout un tas de raisons. Enfin, il y en a des multiples raisons qui font que les gens qui aiment l'endroit où ils sont le quittent. Et à ce moment-là, donc, il y a plusieurs catégories. Alors, selon les pays, enfin, si on fait la somme de tout ce qu'on voit dans les différents pays, on peut en faire la liste. Une ou deux reprises, là, dans le Gérer les indésirables, je fais un petit peu ces listes où on a les... Réfugiés, déplacés, sinistrés, évacués, migrants, demandeurs d'asile, déboutés, sans papiers, clandestins, tolérés, maintenus, retenus, refoulés, expulsés, rapatriés, retournés. Voilà, c'est ça. Donc là, on a à peu près encore... Ce qui m'étonne et m'intéresse, c'est que ça se renouvelle sans arrêt, ça. Et donc je me suis rendu compte, dans les 7 années, justement, passées à enquêter là-dessus, qu'il y avait sans arrêt un renouvellement de ces catégories. Et au bout du compte, on s'est dit, bon, ben, ces catégories, c'est pour à chaque fois recréer des sous-espaces ou des sous-catégories où on confine les gens. On dit, eux, on les met là, eux, on les met là, on les met là. Donc c'est vraiment, au sens propre, très précis de Foucault, c'est de la gestion biopolitique des populations avec ce que ce terme signifie comme ensemble démographique, masse et déni de l'individu et des personnes et de leur biographie personnelle, locale, sociale, etc. Et donc cette gestion des masses produit cette catégorie, ce qui fait qu'au bout du compte, je suis arrivé à cette conclusion que je ne menais surtout pas d'enquête sur les réfugiés, parce que sinon ça aurait voulu dire que toutes les autres catégories que vous venez d'énumérer ne m'intéresse pas. Au contraire, elle m'intéresse. Et ce qui finalement a été intéressant et est devenu intéressant pour moi dans cette enquête, c'est d'enquêter sur le dispositif, sur l'ensemble de toute cette affaire, à la fois des espaces et des catégories de population. Donc on a des camps de réfugiés, des camps de déplacés, des centres pour les retenus, des centres pour les maintenus, les demandeurs d'asile qui ont un espace, etc. etc. Les migrants, il y a en Afrique du Nord, c'est aussi d'autres genres d'espaces qu'on a. En Sierra Leone, à un moment donné, on avait des camps de retournés qui n'étaient pas la même chose que les camps de déplacés. Il ne fallait pas mélanger, enfin, etc. Donc il y a une gestion des populations et qui produit les catégories et qui se base sur les catégories. Et ça produit aussi des chiffres. Et alors, l'affaire des chiffres, c'est terrible. Du coup, j'ai pratiquement consacré tout un chapitre, alors qu'au début, c'était pas tellement mon idée, sur cette production des chiffres. Parce que on peut dire qu'en gros, il y a 50 millions de personnes qui sont dans des situations plus ou moins de réfugiés, déplacés, etc. Mais on peut dire que c'est bien plus que ça si on compte ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés climatiques ou environnementaux. Bon, ben, y en a de fait bien plus. Tous les gens qui sont déplacés par des constructions de barrages, par exemple de grands projets agroforestiers où on déplace des villages ou des groupes autochtones entiers de certaines forêts amazoniennes ou ailleurs, et qui sont aussi du coup des déplacés. Donc on peut arriver à des chiffres, et selon les organisations, selon les sources, vous arrivez à des chiffres qui vont du simple au double, ou plus, avec encore plus d'écart. Donc le problème est devenu de savoir comment on produit les chiffres, plutôt que de savoir finalement quels étaient les chiffres, sachant que des personnes peuvent passer d'une catégorie à une autre, effectivement, dans un itinéraire, dans une période d'itinéraire de vie qui peut être sur un an, deux ans, trois ans. Les gens peuvent être déplacés, réfugiés, clandestins, retournés, etc. Sachant que chaque catégorisation implique un certain nombre de droits et puis surtout implique un certain nombre d'attentes de la part de l'administration qui catégorise, justement. Ça, on va y revenir plus longuement après. Vous avez évoqué justement les différents types de camps. Vous en distinguez quatre essentiellement dans votre bouquin « Gérer les indésirables ». Les refuges auto-organisés, les centres de tri, les réserves non protégées et les espaces de confinement, qui recoupent plus ou moins les catégories que l'administration fait elle-même, mais vous faites des catégories plus larges. Est-ce qu'on pourrait revenir brièvement sur chacun de ces types de camps ? Donc, j'ai mis au début quelque chose qui vaut aussi à la fin pour pas donner l'air ni d'une typologie ni d'un point de vue évolutionniste. Hein. Je pense que c'est pas la forme verticale pyramidale qu'il faudrait voir, mais voilà toujours ce dispositif de surface qui s'emboîte, qui se croise des ensembles plus ou moins séquents et ce qui est le premier modèle, la première forme que j'évoque, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer, sur quoi il faut continuer à mener des recherches, et je continue depuis ce bouquin à travailler là-dessus, c'est tout ce qu'on peut appeler effectivement les refuges auto-organisés, les self-settled camps, on dit, le terme existe aussi dans la terminologie du HCR pour désigner des camps auxquels le HCR justement n'a pas accès ou n'est pas responsable de cette forme-là. Il y a donc les auto-établis, les auto-installés, les auto-organisés. Donc ça concerne un peu tout ce dont on parle aujourd'hui beaucoup en Europe, que ce soit les ghettos dans la forêt de Belyounès ou les jungles de Calais ou le campement de Patras en Grèce. Ce sont toutes ces formes qui sont, de mon point de vue, exactement le principe même du refuge. C'est-à-dire je me suis réfugié là dans un contexte hostile. Et c'est exactement ça l'idée du refuge, parce que quand on est dans les camps de réfugiés en Afrique ou en Palestine ou en Asie, on n'est plus dans cette forme-là. On a été regroupé par des organisations, on a été attrapé, on nous a mis dans ces camps. On pourra en parler à propos des réfugiés en Guinée, par exemple. On nous a pris, on nous a mis dans ce camp-là et on n'a pas le choix. Là aussi, les gens n'ont pas le choix, mais ils sont dans un contexte entièrement hostile. Et donc, ils créent eux-mêmes leur refuge. Et le refuge, ça peut être l'abri minimum. Et on voit bien, du coup, qu'il y a... il y a une forme même d'être dans le monde, d'être au monde et même d'habiter, comme disent certains philosophes après Heidegger sur qu'est-ce que l'habiter aujourd'hui. On peut réfléchir sur ce qu'est l'habiter aujourd'hui en allant voir cette installation très précaire que les gens eux-mêmes font dans un contexte très hostile où ils risquent sans arrêt de se faire casser leur baraquement, mais qu'eux-mêmes ont établi. Voilà. Avec donc ces éléments d'auto-organisation qui fait dire parfois que ce sont d'horribles, comme ça a été dit à propos de Belyounès, ce sont d'horribles campements avec des horribles pouvoirs terribles qui se manifestent, et les gens y sont soumis, et on va les libérer de ça. Ça, c'est un peu parmi tous les discours qui veulent justifier les interventions sur ces espaces, il y a ce genre de choses. C'est des espaces auto-organisés. Moi, j'ai vu ce genre de choses à la frontière entre le Libéria et la Guinée. C'est exactement les espaces d'entre les frontières. Il y a une frontière libérienne, la frontière guinéenne. Il y a un espace de 200 mètres qui est à personne, on va dire. Et là, il y a des tentes et les gens se sont installés là. Effectivement, ceux qui parlent plutôt anglais ont plutôt des fonctions de porte-parole. Ceux qui sont des hommes en bonne santé, chefs de famille, etc., les autres vont les reconnaître comme étant les leaders potentiels qui vont parler en leur nom. C'est des choses qu'on voit à peu près assez fréquemment dans les formes de pouvoir qui se développent dans les groupes, etc. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est les formes d'organisation sociale, éventuellement politique, qui sont dans ces espaces-là. Thank you. C'est toujours l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel, et après ce nouvel extrait de Bernard Parmigiani, Lumière noire, première force, première forme, on revient à l'entretien avec Michel Agier, anthropologue. Alors il y a un autre système, enfin, qui est proche dans le côté précaire, mais qui en est très différent dans la forme d'organisation. C'est tout ce qui est les espaces contrôlés, là, contrôlés par les polices, contrôlés par les organisations humanitaires, par les organisations internationales, qui sont exactement des annexes de la frontière, ou qui deviennent elles-mêmes la frontière, quoi. Alors, on a ça en Europe avec tous les centres de rétention, mais on a ça aussi en Afrique beaucoup avec toutes les zones de transit. C'est l'espace de transit proprement dit, c'est l'espace du tri. C'est le contraire, ça n'est pas le refuge au sens où j'ai trouvé refuge dans un contexte hostile. Je me suis fait prendre et on me contrôle à la frontière, et donc ce transit va me mener d'un côté ou de l'autre en fonction du résultat du triage, quoi, et donc de mes différentes caractéristiques. Donc ça, c'est le... Plutôt souvent de l'autre côté, d'ailleurs. Oui, bien sûr. En ce qui concerne l'Europe en particulier, bien sûr. Mais en Afrique, on a aussi des chemins comme ça. On a ce genre de chemin qui passe par la zone de transit et qui peut mener à une autre zone, la way station, par exemple, le camp d'étape. Voilà. Et là, il y a encore une attente. Et après, il y a un autre campement, et donc un espace de réfugiés. Et les gens peuvent être obligés de se maintenir dans des formes de confinement. D'ailleurs, c'est ça aussi le principe, par exemple, en Guinée, où les gens sont reconnus avec un certain nombre de droits à la protection, une certaine aide alimentaire, s'ils sont dans des camps. Et là, j'ai une parenthèse. Si bien vous parlez de hors lieu à propos des jungles, des squats qui se développent, puisqu'ils sont pas sous le contrôle direct de la police ou de l'État, mais ils y sont soumis dans la mesure où la police ou l'État fait pression sur eux. On le voit de manière flagrante à Calais, ou bien peut décider du jour au lendemain de les détruire, justement en prenant prétexte de conditions d'hygiène, etc. Ce qui est très hypocrite, mais bon, voilà, on y reviendra plus tard. Et sur ces centres de tri, comme vous les appelez, qui incluent les zones d'attente, par exemple dans les aéroports internationaux, c'est une sorte de frontière mouvante, puisque même dans la loi française, dans la loi de 2003, dite loi Sarkozy, il est stipulé que la zone d'attente se déplace en fonction de l'endroit où va la personne qui est dans cette zone d'attente. Par exemple, si une personne en instance à Roissy doit se déplacer pour un examen médical ou doit se déplacer à la préfecture pour je ne sais pas quelle raison, elle sera encore dans la zone d'attente tout au long de son trajet. C'est une espèce d'aura, un aura de rétention qui est autour de la personne. C'est ça qui est intéressant avec la transformation maintenant de la production des frontières, puisque ça n'est plus exactement la frontière physique, hein, comme on a pu avoir... évidemment, la frontière physique, géographique, ça n'est pas non plus la frontière qui a une seule ligne qu'on passe d'un côté ou de l'autre, c'est la frontière qui prend des formes multiples, qui peut passer à l'intérieur. Et mon hypothèse dans tout ça, c'est que le camp lui-même est une frontière, et même les camps de réfugiés qui sont relativement vivables, dans cet ensemble-là, qui est très largement invivable, même les camps de réfugiés qui sont relativement vivables, sont finalement des espaces de frontières, puisqu'on est sorti d'un endroit et on n'a pas accès à un autre. C'est le principe de la frontière et le cas des zones d'attente en Europe aussi, avec l'hôtel Ibis qui décrète le premier étage extraterritorial, alors que le rez-de-chaussée et les autres étages sont à l'intérieur du territoire français, c'est tout à fait typique. Ou bien effectivement la zone d'attente qui juridiquement accompagne l'étranger en instance, quoi. C'est tout à fait on est effectivement dans ce genre où on est à la fois à la limite. C'est pour ça que je parle des hors-lieux et du banlieue. Alors ça, la notion d'Agamben est intéressante, même si d'autres choses sont plus discutables. Mais l'idée du banlieue, c'est-à-dire le lieu du ban, le lieu de la limite de la loi, qui peut être celui du banni ou de la loi qui s'applique. Et donc la loi peut s'appliquer pour exclure, ou en tout cas pour laisser à la limite. C'est un peu le propre du banni qui n'est pas absent de ce contexte, qui n'est pas en dehors, hein, qui est sur les limites, sur les bords, et donc qui est quand même toujours sous contrôle. Et c'est ça où je crois que ces espaces ont cette fonction-là aussi, de tenir à la limite, tout en gardant sous contrôle ces personnes qui sont là. Parler, troisième grand type de camps sont ce que vous appelez les réserves non protégées. Alors ça, c'est les camps de déplacés, c'est-à-dire, pour ça, c'est un peu de la dérision, si on veut dire, de les appeler des réserves non protégées, parce que parce qu'il s'agit d'animaux, à la limite, on dit que ce sont des réserves protégées. Là, ça, c'est même pas protégé, ce qui veut dire qu'effectivement, les gens qui se retrouvent dans les camps de déplacés, souvent sont... à mon sens, dans la situation la plus fragile, la plus vulnérable, pour prendre ce terme-là, pour les gens qui sont là, parce qu'en même temps, ils n'ont pas l'entière liberté de choisir leur endroit et de s'organiser. Il y a un certain contrôle qui existe, qui est une ou deux organisations humanitaires qui est là, mais ils n'ont pas de législation, à la différence des camps de réfugiés, qui en principe leur assurerait une protection dite internationale. Sur le plan humanitaire, ils ont droit vraiment à un minimum, sur le plan de l'alimentation, parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance de ces espaces. Et donc souvent, il y a des disputes entre les organisations internationales pour savoir qui est-ce qui prend en charge ou ne prend pas en charge les déplacés. Et jusqu'à présent, c'est toujours un sujet délicat, enfin un sujet qui n'est pas vraiment réglé. Et donc, bien souvent, les camps de déplacés, c'est effectivement des espaces délimités, c'est bien plus grand que tous les espaces auto-organisés, c'est visible, on sait où ça se trouve en tout cas. Il y a une reconnaissance du lieu, on va dire, par une organisation nationale, par une administration nationale. Mais en général, les États qui ont des populations déplacées n'ont pas spécialement envie de s'en occuper, parce que éventuellement, ils ont été déplacés justement parce qu'ils étaient des minorités ou ils étaient des régions qui étaient en conflit avec l'État. Et donc, souvent, soit ils ont quitté le pays, soit ils sont passés dans une autre région. Mais c'est pas... Oui, parce que déplacer, en fait, ça signifie oui. Les personnes sont dans une autre région. Sont déplacées à l'intérieur. Ça, on appelle des IDP. Voilà, c'est des Internal Displaced Persons. C'est des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais en dehors de leur région de vie. Et donc, ça peut être des fois dans des régions très, très adverses, enfin, dans des contextes très adverses. Mais ils n'ont pas franchi la frontière. Et donc, sur le plan de la légalité internationale, dans la mesure où ils n'ont pas franchi la frontière, ils sont toujours sous la responsabilité de leur État. Mais comme dans ces cas-là, je ne sais pas que ce soit les Kurdes en Turquie ou les Kurdes en Irak ou énormément de groupes au Soudan, par exemple, au Darfour, il y a beaucoup plus de déplacés internes que de réfugiés au Tchad ou en Libye ou en Égypte ou ailleurs. Et l'État... pour des raisons stratégiques, peut cacher complètement qu'il y a des déplacés internes ou au contraire le faire valoir pour demander éventuellement des aides internationales à un moment donné. Mais il arrive souvent que les déplacés se retrouvent eux-mêmes à former un regroupement, que ce regroupement peut être reconnu à un moment donné par l'administration locale, nationale, et peut avoir une ou deux organisations humanitaires qui apporte une aide, on va dire. À partir de ce moment-là, on a un camp de déplacés. Donc, c'est limite entre le camp de réfugiés, ça sera, on va dire, notre quatrième forme, et les camps, les espaces auto-organisés. Au Kivu, au Congo, à la frontière, enfin, près de la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda, au nord, ça fait des années qu'il y a des conflits importants, mais qui sont sur des tout petits espaces. Et en fait, la population du Kivu n'arrête pas depuis 10-15 ans de se déplacer d'une région à une autre et souvent d'un camp déplacé à un autre, en fonction de l'évolution du conflit, quoi. Et là, l'administration nationale reconnaît à un moment donné que ces espaces existent, mais ce sont une ou deux ou trois organisations humanitaires qui vont accéder à ces espaces, reconnaître que ça existe et venir en aide éventuellement à la population qui est là, pour un temps, une durée assez limitée, quoi. Mmh. Les gens vont ensuite se déplacer. Donc ça, c'est vraiment... c'est la forme complexe qui est assez peu étudiée, d'ailleurs. C'est une forme assez complexe, très fragile, peu protégée sur le plan militaire. Donc c'est vrai que souvent, c'est là aussi que quand il y a un contexte de guerre et les gens n'ont pas pu s'éloigner beaucoup, le conflit est très près. Et donc, il peut y avoir des incursions plus importantes que ce qu'il y a dans les camps de réfugiés eux-mêmes, qui sont plus éloignés des conflits, quoi. Vous évoquez même le fait que certains camps de déplacés deviennent des cibles potentielles, puisqu'on sait que les personnes qui ont fui cette région sont en opposition à la guerre, on les suppose en opposition au conflit, etc. Et du coup, il y a des opérations qui se mènent, des opérations militaires ou de guérilla qui se mènent sur ces camps-là. Sur ces camps-là, absolument. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une situation fragile, liée à l'événement lui-même qui a provoqué le départ des gens, la fuite, enfin... Cette forme première, quoi, d'errance qui commence là avec ces camps déplacés, et à propos desquels la prise en charge internationale est assez compliquée, parce qu'il y a conflit entre le HCR et d'autres organismes, on ne va pas donner tout ça en détail, mais d'autres organisations de l'ONU qui pourraient être celles qui prennent en charge les populations déplacées. Et donc finalement, c'est le HCR depuis 2006 qui a le mandat, non pas pour les déplacés, mais pour la gestion des abris d'urgence, comme on dit. C'est un terme qui devient de plus en plus technique et très particulier, parce que c'est applicable par tous, la gestion des abris d'urgence. Et qui inclut donc les populations déplacées internes, non, sans parler des réfugiés. Mais cette fragilité est d'autant plus paradoxale que le HCR, précisément, développe ce qu'il appelle justement la solution de l'asile interne, qui présente l'avantage, on reviendra plus tard sur l'évolution du HCR, hein, mais qui présente l'avantage d'être tout à fait compatible avec la gestion des flux migratoires tels que l'Europe les conçoit, c'est-à-dire qu'on bloque les migrants potentiels dans leur zone de départ. Absolument, voilà, c'est un peu l'idéal, hein, ça, quand ça a été, à la fin des années 90, on a vu émerger ça, notamment dans les discussions en Europe, hein, entre les gouvernements européens. Le concept d'asile interne est arrivé, a commencé à faire figure, non pas de solution, mais disons d'argument pour fermer les frontières, en disant, mais tant qu'un État, et c'est là où c'est, si on attend d'un État qu'il dise, à un moment donné, en pleine guerre, l'État libérien ou l'État sierra-léonais ou l'État somalien aujourd'hui, enfin, qui va dire, oui, nous avons les conditions de oui, les gens qui sont dans le pays peuvent y rester dans une région autre que la leur, pour des raisons politiques diverses, beaucoup d'États peuvent dire ça en disant oui, ils peuvent rester là, à condition que vous nous donnez de l'aide matérielle, par exemple, choses comme ça. Et là, effectivement, il y a ce confinement idéal qui est de mettre les gens dans un très vaste camp de réfugiés, sachant que ces camps de réfugiés, en l'occurrence, ce sont les pays eux-mêmes, et c'est là où on garde, où on confine les gens. Donc l'idée d'asile interne, comme les pays tampons d'Afrique du Nord ont pu l'être aussi ensuite, viennent comme ça dans l'agenda des politiques européennes et avec la collaboration, la participation du HCR. Après cette métamorphose du vide, jeu de configuration toujours de Bernard Parmegiani, On revient dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel à l'entretien avec Michel Agier, anthropologue. Alors, quatrième grand type de camp, c'est celui auquel vous vous intéressez davantage, puisqu'il présente l'avantage justement de pouvoir étudier la machine humanitaire au plus près. Ce sont précisément les camps de réfugiés. Voilà, donc les camps de réfugiés dans cet ensemble-là fait figure de ce qui est, bien sûr, il faut mettre tout ça en termes très relatifs, hein, mais disons c'est ce qui est le plus officiel, parce que c'est des espaces qui ont été reconnus ou créés hein, par des organisations internationales, HCR, OCHA, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies en charge de l'action humanitaire, et ou des organisations humanitaires internationales, des grandes organisations. Et puis là encore, on a différentes formes, mais disons que les questions qu'on se pose à propos des camps de réfugiés, à la différence des autres, c'est que tout en étant dans cette même précarité apparente des espaces, où bien souvent, évidemment, il y a les toiles de tente, ou bien des abris qui sont faits de branchages, ou bien de plastique, avec toutes ces matières périssables, enfin, ces matières qui ne sont pas du dur, qui sont plutôt du liquide ou du transformable, des choses qui ne sont pas appelées à durer et qui vont disparaître. Il n'empêche qu'avec tout ça, les camps de réfugiés sont justement ceux qui durent, c'est-à-dire qui durent plusieurs années. Alors il y a plusieurs raisons à ça et puis il y a plusieurs formes de durée, mais c'est vrai que les durées, ça peut être 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15, 20, 30... 50 pour des camps palestiniens. Voilà, même plus maintenant, puisqu'on est pratiquement dans des camps, enfin si on prend dès le début des camps palestiniens, qui étaient des camps de tente d'ailleurs au début, ce qu'on oublie maintenant, mais au début c'était la même chose que les camps africains qu'on voit maintenant, hein, c'était des camps de tente. Donc on a les premiers camps qui datent quand même de l'Exode, c'est-à-dire 48-49. Des constructions en dur de 54-55, donc ils ont quand même passé 5 ou 6 ans dans des toiles de tente, les Palestiniens, avant d'être dans cette forme qu'on dit maintenant, qu'on reconnaît comme étant plutôt des villes ou des quartiers de villes. Cette histoire-là, ils l'ont déjà eue. Donc quand on me demande qu'est-ce que ça devient un camp qui dure, je me dis, bah, regardez les camps palestiniens, les camps qui durent, c'est ça, avec la contrainte extérieure, qui fait qu'on empêche la fin du camp. Quoi. La fin du camp, ça ne veut pas dire qu'on le détruit, ça veut dire simplement qu'on l'ouvre, hein, c'est-à-dire que l'espace s'ouvre. Et là, non, l'espace ne veut pas s'ouvrir, il se développe un peu sous une forme ghettoisée, si on veut. Et donc de ce point de vue-là, pour la compréhension de ce qui se passe sur le plan à la fois politique, culturel, de vie sociale et même urbain, urbanistique, architectural, ce qu'on voudra, les camps palestiniens, de ce point de vue-là, sont très importants, parce que c'est cette expérience-là, liée à la mise à l'écart, à l'exil sans issue, et une forme urbaine, une forme de vie urbaine qui s'est développée dans cette mise à l'écart. Donc de ce point de vue-là, c'est très important, je trouve, les camps palestiniens. Bon, mais il en existe matériellement et sur le plan politique, évidemment, énormément d'autres formules, d'autres formes, d'autres modèles. Et j'ai donc travaillé sur différents établissements comme ça en Afrique, un peu donc à Naplouse, dans le territoire palestinien. Et puis donc en Afrique, sur des espaces qui pouvaient être à la fois des espaces qui ressemblaient à de vraies grandes agglomérations, comme les camps d'Adab au Kenya, qui étaient des camps somaliens, des camps de réfugiés principalement somaliens, mais aussi soudanais, et qui atteignent là aujourd'hui, là actuellement, les camps de Dadaab, en plus, se sont repeuplés après une phase où ça a diminué. Maintenant, ils sont à 170 000 personnes, ce qui fait quand même beaucoup pour trois camps qui sont en fait trois espaces les uns à côté des autres, quoi. Et puis, des camps en Zambie, qui étaient plutôt qui sont plutôt la forme de longs villages qui sont les uns à côté des autres, quoi, sur le long d'une grande route, sur une quarantaine de kilomètres, où là on a 55-58 000 personnes. Et puis tous les camps, tout le dispositif des camps déplacés, réfugiés, retournés entre Guinée, Sierra Leone, Libéria. Donc on a plusieurs formules, mais disons que par rapport aux autres, effectivement, à un moment donné, en tout cas c'est ce qui m'a semblé être important dans toutes ces années où j'ai fait ces enquêtes, c'était déjà comprendre comment fonctionne ce dispositif-là, où il y a une forte intervention humanitaire internationale, où il y a une forte présence internationale de type plutôt policière, on va dire, de contrôle, et puis des populations, des groupes, des personnes qui se stabilisent dans ces espaces-là et qui, d'une certaine façon, refont leur vie, quoi, hein, c'est le lieu où des gens se socialisent, quoi, naissent, se marient, font des enfants... etc., etc. Donc c'est à ce moment-là, ce qui m'a paru important, c'était de comprendre en quoi ces espaces étaient de vrais espaces de socialisation pour des tas de gens là, aujourd'hui dans le monde. C'est toujours avec La création du monde de Bernard Parmigiani qu'on clôt cette première partie d'un entretien avec Michel Agier, anthropologue et auteur de deux bouquins, Au bord du monde, les réfugiés et Gérer les indésirables, tous deux parus chez Flammarion, respectivement en 2002 et 2008. Cette émission sera rediffusée mercredi prochain, le 23, à 10h sur FPP, et elle restera ensuite disponible sur www.intempestive.net, où vous trouverez également davantage de documentation. On remercie les copains de Radio Canu qui ont permis qu'on fasse cet enregistrement dans leur studio. Et on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'entretien dans 2 semaines, jeudi, à 17h. Michel Agier parle davantage du gouvernement humanitaire, de ce qu'il entend par là, comment il s'organise, quel pouvoir il exerce. Et on s'intéresse également plus particulièrement aux nouvelles formes de lutte qui émergent dans ces nouveaux espaces, à l'intérieur ou à l'extérieur des camps de réfugiés. Vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion à dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.